Chapitre 26e. Le mois de février passé, le moment des élections arriva. Le parti conservateur, fortement établi dans la ville du Vieux-Comté, avait toute chance de réélire son mandataire. Morton Blake n'était pas populaire. Ses opinions radicales, qui lui eussent conquis de nombreux amis à Blackford, ne lui faisaient que des ennemis parmi les fermiers et les bourgeois du sud de Daleshire. L'instruction des masses et la vie à bon marché étaient des questions dénuées d'intérêt pour des gens ignorants qui ne souffraient pas de la misère. Son concurrent, Sir Nathaniel Rotherdon, dépensait beaucoup d'argent dans la ville, ce qui est encore un des meilleurs moyens de faire triompher une cause. On le connaissait comme un ennemi juré des sociétés coopératives. En dehors de cela, ses opinions étaient si peu accentuées, si indéterminées, que tous les partis pouvaient le réclamer comme l'un des leurs. Morton entra en lutte avec la plus parfaite loyauté, mais sa tactique électorale dénotait un esprit trop indépendant et trop hardi pour les électeurs dont il briguait les suffrages. Son agent eut beau l'avertir que la ligne qu'il suivait ne devait pas le conduire au succès. Morton répondait imperturbablement qu'il réussirait ou qu'il échouerait en honnête homme, et il se refusa jusqu'à la fin à employer les moyens de corruption qui viennent d'ordinaire si puissamment en aide aux candidats. La majorité resta fidèle au parti conservateur et Morton sortit battu de la lutte électorale. Il revint à Tingley profondément découragé, sans doute car son agent, ayant vu plus d'une fois un auditoire chaleureux, attentif à sa parole, acclamer ses plans de réforme et ses idées de progrès, lui avait prédit le succès. Miss Blake témoignant cette conjoncture à son neveu une sympathie profonde et calme, tandis que ses sœurs s'emportèrent à l'envie contre l'ineptie des électeurs et l'incapacité de l'impétrant. « Si vous nous aviez laissé donner plus de fêtes champêtres, » disait-elle à Morton, « une telle humiliation eût été épargnée à la famille. »« J'espère que vous ne poserez plus votre candidature à Highlare, » reprenait à son tour Elizabeth Hardman, vivement surexcitée. « Vous avez eu affaire à des électeurs qui ne sont pas capables de vous comprendre. Vous auriez certainement été nommé à Blackford. Mon oncle et mon frère ont lu, dans un journal que je leur ai fait tenir, les discours que vous avez prononcés. Leur suffrage vous touche peut-être fort peu, car ce ne sont que les ouvriers, mais je vous garantis que vous avez en eux de chauds partisans. » Bien loin de les dédaigner, j'en suis très fier, ma chère Lizzie, je vous assure, répondit Morton d'un ton affectueux aux condoléances sympathiques de la jeune fille. Les consolations de sa tante et les reproches de ses sœurs ne semblaient pas avoir produit sur lui une impression aussi efficace que les paroles de Lizzie. Il était heureux de se savoir apprécié par la classe ouvrière de Blackford, cette classe de rudes travailleurs à laquelle avait appartenu son grand-père et qui, plus que tout autre, possédait le don d'inspirer ses sympathies. Morton avait trop de fierté pour laisser voir aux siens son désappointement. Mais s'il écoutait déblatérer ses sœurs sur l'ingratitude des habitants de Highlare sans faire chorus avec elles, il n'en ressentait pas moins profondément son échec. Puis, il avait en outre, en ce moment, une autre cause de tristesse et de découragement. Dulcie, dont il avait jusque-là reçu régulièrement une lettre tous les deux jours, était restée une semaine entière sans lui écrire. Il craignait qu'elle ne fût malade, ou que Sir Everard allât de mal en pis. « Eh bien, se disait-il, puisque la politique me laisse la liberté de mes mouvements, je partirai pour Marseille et j'irai surprendre Dulcie. » Après une longue promenade, il rentra chez lui, un peu calmé par le projet qu'il se proposait de mettre sans retard à exécution. Il commença par consulter l'indicateur, et s'apercevant qu'il ne pouvait se rendre à Douvres avant le bateau du soir, force lui fut de retarder de 12 heures son départ. Le lendemain matin, à son réveil, on lui apporta son courrier. Il s'y trouvait une lettre de Dulcie, mais une lettre bien plus mince, bien plus légère que celle qu'elle adressait d'ordinaire à son fiancé. Rompre le cachet fut pour lui l'affaire d'un instant. Une violette tomba de l'enveloppe. Voici la teneur du message si vivement attendu. « Mon cher Morton, après de sérieuses et pénibles considérations, mon père a pris la résolution de retirer son consentement à notre mariage. Il a pour agir ainsi, paraît-il, des raisons qu'il ne juge pas à propos de me confier, et moi, en fille soumise, je m'incline devant ses décisions. S'il m'ordonnait de courber la tête sous l'âge du bourreau, j'obéirais aveuglément, comme je fais aujourd'hui en vous communiquant cette nouvelle. Pardonnez-moi la peine que je vous fais peut-être en agissant ainsi. Je dis peut-être, car je me demande hélas si cette rupture ne sera pas pour vous un soulagement plutôt qu'un chagrin. J'ai réuni dans une boîte tous les présents que vous m'avez si généreusement offerts. Je vous les adresse, en ne conservant par devers moi que le petit mémorandum que vous m'avez donné et qu'il m'est doux de garder en souvenir de votre amitié, Dulcibella Courtenay. » Morton, pris de vertige à la lecture de cette lettre, ne comprit pas que la pauvre Dulcie n'était qu'un instrument dont Sir Everard s'était servi. Il sentait si cruellement la façon dont son congé lui était signifié que la violence de son indignation l'empêcha de découvrir, à première vue, le véritable auteur de la lettre. « On ne met guère plus de forme à renvoyer un domestique, » se dit-il à lui-même. Puis il relut ce message détesté, et la lumière s'étant faite peu à peu dans son esprit, il finit par voir clair comme le jour que Sir Everard avait dû imposer à sa fille d'écrire cette lettre sous sa dictée. Aussitôt un horrible soupçon traversa son esprit comme un éclair. « Ah, voilà, » s'écria-t-il, « voilà la confirmation du pressentiment qui m'a envahi un soir à Fairview. Voilà l'explication du trouble dont fut saisi Sir Everard lorsque je le questionnais sur certains détails de cette chasse aux souvenirs exécrés. Ce fut à propos de l'empreinte des sabots de son cheval qui était marquée à l'endroit même où il expira. Non, le criminel n'est pas la misérable brute qui végète en ce moment derrière les grilles de la prison de Portland, mais un faux ami, un mari jaloux dont je renonce à prononcer le nom. L'appréhension qui me torturait n'était hélas que trop fondée. En vain, j'ai lutté pour l'arracher de mon esprit, mais mon cœur ne me trompait pas. Malgré l'amour que m'inspire Dulcie, j'accepte comme un bienfait la liberté qu'elle m'a rendue. Oui, Dulcie, vous avez raison. C'est un soulagement pour moi d'être libre, car c'est à ce prix seulement que je puis venger la mort de mon père. C'est là le premier et le plus impérieux de mes devoirs. Je reprends, ma douce et belle Ophélie, les gages d'un amour heureux. Tant de joie ne pouvait être notre partage. Il faut accepter, chacun de notre côté, les terribles épreuves que nous réserve la destinée. C'est en vain que l'on voudrait échapper à ces coups. Le sort, pour vous comme pour moi, est plein de mystères terribles. Oh, ma pauvre Dulcie !» Plus Morton pénétrait l'esprit de la lettre de sa fiancée, plus il y voyait l'œuvre de Sir Everard. Non, Dulcie, après lui avoir avoué l'ardeur de son amour avec tant d'innocence, ne pouvait se contredire ainsi. Cette lettre, sans nul doute, était le résultat d'une lutte douloureuse entre le père et la fille. Tel était le but que Sir Everard se proposait en l'emmenant dans le Midi. Telle était l'explication de la maladie qu'il avait prétextée. Morton se décida à répondre à Dulcie dans un style plus laconique encore. « Ma chère Dulcie, j'accepte vos décrets. Si durs qu'ils soient, ils ne sauraient modifier en rien les sentiments que je vous ai voués. Aussi, s'il est dans ma destinée de vous causer jamais de la peine, rappelez-vous que quoi qu'il en soit, que je vous ai aimé, que je vous aime, et que je n'aimerai jamais que vous. Morton. P.S. Merci de garder le petit mémorandum book. » Morton se dispensa ce jour-là d'assister au déjeuner de famille. Il s'en excusa en disant qu'il avait des lettres importantes à écrire, tandis qu'il n'avait d'autre motif en agissant ainsi que de se soustraire à l'œil clairvoyant de sa tante, de ses sœurs et d'Elizabeth Hardman. Il n'est rien en effet qu'un homme redoute autant, en semblable conjoncture, que de se voir l'objet de la sympathie des femmes qui l'entourent. Ce jour-là, Morton eût voulu vivre au fond du désert. Sa tante lui apporta du thé dans la bibliothèque, prétendant que Morton avait la fièvre, qu'il prenait son échec électoral trop tragique, qu'il avait dû passer une nuit blanche sous le coup des déboires de la politique. « Je suis vexé, je le confesse. » Qu'un vieux muet comme Sir Nathaniel réunisse plus de suffrages qu'un homme jeune, énergique et plein d'ardeur pour défendre la cause du progrès. Mais je n'aurai bientôt pris mon parti. Ce sera l'affaire de quelques jours. On ne se surmène pas comme je l'ai fait depuis 3 semaines, sans s'en ressentir un jour ou l'autre. N'auriez-vous pas reçu des nouvelles plus inquiétantes de Sir Everard? Non, il est toujours de même. Comment va Dulcie? Elle ne me parle pas de sa santé. Pauvre cher enfant, comme elle me manque. Elle est si bonne, si affectueuse. Voyons, mon cher Morton, finissez vos lettres. Et allez vous jeter sur votre lit. Vous paraissez avoir un tel besoin de repos. Je n'ai pas la moindre envie de me coucher. Une affaire m'appelle à Avonmore, et je ne serai pas de retour ici avant minuit. Que pouvez-vous avoir à faire à Avonmore? Rien de bien sérieux. Au fond, je ne suis pas fâché de donner à mes idées un autre tour que celui des élections. Oui, mais vous ne songez pas que ce sera une nouvelle cause de fatigue. N'importe. Je partirai dans le dog-cart pour Highley. Linz m'y reprendra dans la soirée. Permettez-moi, ma bonne tante, de vous faire observer que si je dois écrire, il faut que je vous laisse seule. Je comprends. N'oubliez pas de dire 1000 choses amicales à Dulcie de ma part. J'ai fermé ma lettre avant votre arrivée, et à moins d'écrire sous l'enveloppe, au su et au vu de tous les employés. Non, non, je lui écrirai dans l'après-midi. Ah, si elle savait combien vous avez l'air souffrant et morose, elle en serait bien préoccupée. Dites-lui plutôt que je me porte comme un chêne et que je suis heureux comme un roi. Il vaut toujours mieux se faire l'écho des bonnes nouvelles que des mauvaises. » Miss Blake étant partie, Morton adressa une lettre chargée à son agent, attendu qu'un échec n'est pas moins coûteux qu'un succès. Il écrivit aussi quelques mots à son rival politique pour le féliciter de son triomphe, après quoi il se jeta dans un fauteuil et se mit à réfléchir sur le passé et sur l'avenir. Quel parti prendre? Quelle route suivre? Il se trouvait toujours arrêté dans ses plans par la pensée d'atteindre la pauvre Dulcie dans ses affections les plus chères, et d'autre part, son devoir n'était-il pas d'agir?